Salut, c'est Projet Morse. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet, Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom soupe, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom qui gébet, Tom soupe, Tom qui gébet, Tom Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. Tom qui gébet, Tom qui gébet met soup. Tom soupe bet met kick. En janvier 2024, on a accueilli le groupe Lududu, Anna et Yvan. Le début a bugué, du coup on n'entend pas Yvan expliquer qu'il a commencé la musique dans une petite école municipale à Châteaulin. Avec le groupe Lududu. Question classique, t'as commencé quand même, parce que t'es tromboniste à la base, c'est ce que t'as fait petit Ouais, c'était un petit orchestre communal de Châteaulin, ville fantastique du Finistère, qui attire beaucoup de gens. Alors, c'est très beau, on a un super bel effet, mais par contre... C'était presque mieux un décodeur, ça va être très beau, mais... c'est beau, mais attends, je t'ai... Qu'est-ce qu'il y a de ce qui fait que... Ouais, c'est vrai que... Ouais, ta titi... On y est ? Ouais, on y est. Ouais, donc petit orchestre municipal. Petit orchestre municipal de Châteaulin, ville à côté de laquelle j'habitais. Et comment dire ? Ouais, c'est mes parents, ils m'ont proposé quand j'étais petit de si j'avais envie de faire de la musique. Et mes grandes sœurs faisaient partie de... Enfin, je voyais mes grandes sœurs dans un orchestre. L'anecdote. Et alors pourquoi j'ai pris le trombone L'anecdote, voilà. Alors c'est ça, je suis... Enfin, jingle. Instant anecdote. C'est ça, pourquoi le trombone assez étrange, du coup, c'était... je pense que je voulais faire du saxophone. Ah bah oui, c'est une bonne raison de faire du trombone. C'est ça, le saxophone, comme j'étais attiré par le saxophone. Et du coup, je vais à la... Dans la petite salle d'inscription de musique. Et je vois les profs, alors je sais pas, c'est un souvenir que de quand j'avais 8 ans, hein, mais du coup je vois les profs et le saxophoniste était donc un saxophoniste qui faisait de l'impro assez charismatique. Il ressemblait un peu à un rocker, il y avait plein de gamins autour de lui comme ça qui étaient fans et du coup il faisait du sax avec des milliards de notes. Et c'est vrai que ça m'a pas trop attiré et à côté il y avait déjà un peu edgy quoi. Il y avait un prof de trombone qui était avec un regard de chien battu un peu comme ça et où il y avait personne. Alors j'ai été attiré par lui, voilà, et je suis allé le voir et il a dû être touché par ce petit enfant qui le regardait avec des yeux humides et et je sais pas, j'ai signé et voilà, j'ai dit je vais bien faire du trombone et je sais pas pourquoi j'avais fait du trombone du coup. Mais alors du coup je me suis dit c'est peut-être l'antipathie, c'est ça qu'on dit. Voilà, du coup je me suis mis à faire du trombone comme ça avec un prof qui était assez chiant parce que je chialais en cours, il me tapait sur les doigts, j'ai jamais vraiment su travailler l'instrument. Et heureusement après il y a eu l'orchestre où là c'était super, il y avait des gens de mon âge, on faisait des medleys de Johnny Hallyday, qu'on faisait les musiques de films, non, c'était bien. Ouais, c'est vraiment un enregistrement que Yvan a retrouvé de son orchestre. Et après, j'ai eu des profs un peu plus marrants, avec lesquels on faisait le bruit de l'éléphant, on faisait du football, on faisait des dessins au mur, comme ça. Et du coup, ça m'a un peu plus plu, cet instrument. Voilà. Et c'est ça, j'ai dû en faire de 8 à 18. Où c'était super, on était une petite bande de 3-4. Il y avait plein de saxophonistes à côté, comme ça, qui faisaient du free jazz aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, je suis bien tombé finalement. Ça me plaisait bien. Voilà, après, j'ai eu un trou d'une dizaine d'années, je crois, de 18 à 28, où j'ai pas du tout touché l'instrument. Et après, j'ai rencontré des musiciens quand j'étais plus tard sur l'île. Aucun instrument, t'as touché aucun instrument. Wow. T'as pas mis à la guitare pour jouer à la plage. Alors non plus, ouais. Non, non, à la plage je faisais des bolasses. Ah bah oui, moi aussi. Je crachais du feu, du diabolo, bien sûr. Enfin voilà, j'étais circassien. On peut le dire, ok. Je t'ai honte de rien. Oh, c'est pas sympa, circassien. C'est vrai, on est sur Pinode, heureusement. Il y a eu tout un tourbillon de... Non, j'aime bien le cirque, j'adore. Et du coup, ce prof que t'es pas allé voir, il faisait de l'impro, lui, pour le coup. Mais quand tu dis de l'impro, c'est impro... Ouais, ouais, il faisait de l'impro... Il faisait des... Impro libre, quoi ? Non, je pense que c'était... Il faisait des... plutôt impro jazz, quoi. Genre, on apprend à faire des... On apprend des grilles et des... Ah oui, d'accord. Je regardais les partitions qu'ils avaient et ça me fascinait un peu, les trucs où il n'y a rien d'écrit là. Ouais, oui, t'as marqué un truc coupé en quatre avec juste des dièses à la clé et du vide. Et ça voulait dire faire de la théorie musicale, apprendre des gammes pour ensuite faire le petit oiseau dans les gammes. Et du coup, ça, je ne sais pas faire, par exemple. Et vous jouiez du classique ou plutôt... Enfin, vous jouiez des... Ouais, il y avait de Johnny Hallyday, mais... Ouais, il y avait du pas mal de classiques, où ça, le trombone, c'est vraiment l'ennui suprême. C'est-à-dire, tu te tapes des partitions gigantesques avec des rondes liées. Du coup, c'est des notes qui durent peut-être des fois, je sais pas, 2 minutes. Tu fais les lignes de basse derrière, quoi. C'est vraiment pas très drôle de faire du classique avec un trombone. Ça, là, tu vois les flûtistes, les clarinettistes qui s'éclatent et toi, t'es un peu derrière à te taper les ronds liés, c'est un peu chiant. Non, du coup, je sais que... à un moment, j'ai un peu critiqué le chef d'orchestre quand je commençais à avoir un peu de caractère et à lui dire « Bon, ça va un peu, tu peux pas nous envoyer du Duke Ellington, du Ragtime Et il m'a pris au sérieux à un moment et puis il m'a un peu humilié devant tout le monde comme ça. Il m'a dit « Ah ouais, tu veux des trucs compliqués, je vais te donner du fil à retordre. » Mais c'était super, ça faisait vraiment les baloches des années 20. C'était trop bien, j'ai des bons souvenirs de... Et du Nino Rota aussi qu'on faisait. Ça c'était top. Les BO de Fellini quoi. Bah écoute, on va mettre un extrait de... un petit extrait de, par exemple, ça, la Dolce Vita, on avait fait, c'était super, à ma corde, bon souvenir d'orchestre. Un autre extrait après on peut faire, parce que ça peut être fini par j'ai terminé l'orchestre à un moment où notre chef d'orchestre nous a sorti la partition des Pokémon et là je me suis mis à jouer faux avec tout le monde juste pour faire chier le chef d'orchestre. Je pense que je fais confiance en internet pour trouver un enregistrement d'un orchestre japonais qui joue les Pokémon très très faux. Bah, du coup, je suis obligé de te parler du centre social Raymond Poulidor. Oui. Fatalement. Bah, c'est vrai que c'était un peu la reprise du trombone avec ce groupe. Ouais. On avait commencé à 3 d'abord, avec Mathieu Goulin, qui est dans Bonne Humeur Provisoire, que j'avais rencontré à ce moment-là à peu près aussi, c'est la même période. Du coup, je voyais Bonne Humeur Provisoire faire du toys bending, burlesque, bien criard, super rigolo. Je découvrais cette scène, c'était en 2010. Et après, par chance, Mathieu est venu habiter à Lille. Et du coup, on se rencontrait dans la rue comme ça. Et à un moment, il m'a dit ouais, vas-y, tu veux pas faire du trombone? Et puis, du coup, j'étais waouh, du trombone avec du toys bending, ça va être dingue. Et en fait, il a sorti sa contrebasse, et là, on a fait du jazz. Et j'ai trouvé ça très bizarre. Mais c'était une... Du coup, je me suis dit, bah ok, c'est parti. Et voilà, après, avec Poulidor, apprendre des thèmes, faire du free, se laisser aller dans l'impro, et pas avoir de partition aussi, c'était super. Du coup, découvrir le... d'apprendre par cœur des morceaux alambiqués avec des thématiques tordues. Et c'était une super expérience. Bah ouais, super groupe. On essaiera de faire venir Bonne Humeur. Donc vous rencontrerez Mathieu et vous réentendrez Gaël. D'accord, ouais, c'est venu comme ça, t'as repris l'instrument. J'ai repris l'instrument avec, ouais. Et du coup, après, à sortir le trombone, vu que c'est pas un instrument super courant, bah, y a eu plein d'invitations à participer à des groupes sous plein de formes différentes, ouais, même faire de l'impro libre, des... Alors j'ai même essayé de faire des trucs de blues et tout ça, mais alors blues, enfin des trucs écrits quoi, avec des gammes, avec des grilles d'accords, mais alors je fais des pains quoi, je fais plein de pains. Voilà, ça c'est toujours pas mon truc. La musique de boulanger quoi. Exactement. Des petits pains. Et alors du coup, tu t'es mis à faire des petits objets, des percussions, des trucs comme ça. Je zozote, j'ai des médicaments dans la bouche. Tu t'es mis à... Ah mais c'est merde. Tu t'es mis à faire des petites percussions, à quel moment? Ouais, c'est comment, je sais pas, c'est petit à petit, Oui, je crois que c'est avec bonne humeur. Au début, je commençais à faire des petites percussions au sol. C'est vrai que c'est pratique de taper au sol. Et on me donnait... Enfin, je sais pas, c'est Mathieu, il m'avait donné, par exemple, des cloches je sais plus de quel pays c'est, en Afrique, excusez-moi. Afrique centrale, quoi. On lui avait offert des cloches de tradeux de là-bas, et du coup il m'avait offert ces trois cloches que j'ai un peu explosé depuis, et en fait après j'ai commencé à accumuler des bouts de cymbales et des bouts de bois et après à construire des instruments. J'aime bien bricoler des trucs et du coup j'ai commencé à bricoler des petits instruments. Entre le trombone et le trombone, t'as fait des études? J'ai fait des études d'art, ouais. D'art. J'ai fait de l'art, j'étais en art appliqué, du coup j'ai fait du dessin, des beaux-arts, de la sculpture. C'est ça, j'ai fini par les beaux-arts, et c'était marrant, j'ai fini par faire de la sculpture, et en fait dans tout mon petit, comment on appelle ça, le petit fascicule que tu donnes... Petit mémoire que tu donnes, je parlais que de musique. Je commençais à découvrir la musique abstraite, l'arch noise, le collage, tous ces zics-là qui m'inspiraient. Du coup, c'est vrai que quand je parlais de mon travail par écrit, c'était que de la musique. Du coup, c'est vrai que quand le jury est arrivé, il s'attendait à voir des pièces sonores. En fait, non, je leur ai juste montré des sculptures et des dessins. Mais du coup, ça a amorcé. Je pense que je serais resté quelques années de plus. Je me serais mis à faire plus de musique, je pense. Mais en fait, c'est tout seul, c'est trop compliqué. Voilà, faut rencontrer des gens pour faire de la musique. Je m'en rends compte. Du coup, c'est après des rencontres avec des musiciens qui m'ont donné envie de faire de la musique. Question. Le trou est sans fond. Question. Non, moi je veux non, ce micro là, il est ouais, vraiment ouais. Beaucoup plus beau. Il est plus beau et on peut faire pou très feu, beau. Feu dedans, contrairement au mien. Salut Anna. Salut. Anna qui joue dans Ludu également. Tu es bretonne aussi et toi t'as vraiment une pratique de chant traditionnel plutôt. Je me non, j'ai une pratique de chant global. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Comment dire. Ben, j'ai tout le temps chanté, quoi. Comme des enfants. Je sais pas. J'allais dans la nature et je chantais pour les lézards et pour les arbres, comme ça, tout le temps, toute la journée. Voilà, c'est ça ma pratique de chant. Et du coup, comment t'es arrivé parce que bon, voilà, je me concentre là-dessus, mais sur Ludu, mais comment t'es arrivé au chant traditionnel? C'est un truc de familial Ouais, ça. Par contre, j'ai été élevée dans une famille militante, on peut dire, pour la langue bretonne, et élevée en breton. Et du coup, tous les week-ends, les parents organisaient des festounos pour pouvoir payer les instits en breton, et du coup je traînais tout le temps dans les balles trad breton, quoi. Et puis mon père faisait de la cornemuse, du bignou, tout ça, et du collectage, il allait collecter des petits vieux. Bref, du coup, et puis à l'école on apprenait des chants en breton, enfin on allait au camp Narbobl, c'est le concours de chantrade, tu vois. Et du coup, ouais, pardon, c'est de famille, quoi. Mais j'ai arrêté assez tôt. En fait, je suis rentrée à mes 15 ans, j'ai quitté D1, l'école bretonne, pour rentrer en art appliqué, où j'ai rencontré Yvan. Et là, j'ai découvert le monde francophone. Le continent. Ouais. La France. Et voilà. Et donc j'ai arrêté de chanter en breton. Et puis c'est après, en allant vivre à Paris pour mes études, que comme d'hab, la Bretagne, ça m'a manqué. Donc je me suis remise à chanter en breton. Puis je chantais dans une chorale baroque à l'époque. Et puis, enfin, j'ai tout le temps aimé chanter, quoi. Je chantais du R&B quand j'étais au collège. Voilà. Et puis après je suis revenue en Bretagne, et puis j'ai été prise dans une chorale catho en breton, et du coup on chantait des cantiques on était trop mignons, et j'adore encore tous ces copains de la chorale catho, et voilà. Mais j'étais un peu le vilain petit canard de la chorale, et voilà. Et après, du coup, la chorale a explosé après. Enfin, on a décidé, après 10 ans, après 3 albums, après 100 concerts au moins, d'arrêter la chorale. Et j'avais encore envie de chanter. Et comment dire, je chantais toute seule. Et j'ai retrouvé Yvan, qui m'a amené à Lille, au CCL. Et où j'ai entendu de la noise pour la première fois, c'était en 2015. Et j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je ne savais pas que ça pouvait exister. Et Yvan m'a dit « Mais tu sais, il y en a partout en France, des concerts comme ça. » Et du coup, j'ai mené ma petite enquête pour pouvoir trouver l'atelier Carnot à Brest, où il y avait des concerts comme ça. Et ça a été une plongée dans le milieu. Dans l'abîme. C'était quoi comme concert, le premier ? Que j'ai vu, ouais. Guillaume, comment il s'appelle, Guillaume qui faisait le camion avec Lionel au début, et qui faisait ses machines. C'est Bruce Tétaret. Bruce Tétaret. C'est pas Guillaume, c'est Bruce Tétaret. Ouais, c'est santé modulaire, quoi. Du santé modulaire, bref. Très, très fort. C'était, ouais, ça, et en fait, moi, ça me faisait penser aux machines du bateau dans lequel... j'avais été cuistote, et le moteur, un gros moteur de bateau, et je trouvais ça trop cool. Et quand j'étais allée lui dire « Oh là là, ça ressemble au moteur du bateau », il a dit « Oh, merci !» Et j'ai dit « Oh, mais c'est trop cool !» Bref. J'avais adoré cette ambiance. coup, la pratique de chant plus traditionnelle. Alors, tu as parlé de collectage, on peut juste rappeler ce que c'est que le collectage, parce que tu as parlé de collecter les vieux, du coup, c'est un peu bizarre. Collecter les vieux. On dirait un peu le SAMU social, quoi, tu vois. c'est peut-être un peu le SAMU social culturel, après tout. Voilà, ça correspond à quoi la pratique du collectage que ton père faisait ? C'est en gros aller voir les petits vieux qui parlent. Breton encore et savoir ce qu'ils chantaient quoi dans leur vie de tous les jours pour enregistrer et garder une trace des chants traditionnels. Et donc ce que j'entends par chant traditionnel, c'est un chant qui est tellement chanté de génération en génération qu'il a plus d'auteur quoi, on sait pas d'où il vient et où il y a plein de versions différentes et où chacun un peu a sa version quoi. Et du coup, il y a des assos de collectage. Donc, il y en a une qui date des années 50 en Bretagne, qui s'appelle Dastum. Et qui a... enfin, il y a des milliers de chansons comme ça qui sont collectées et archivées. Maroué, mamanava. Non, là. Maroué, mamanavalo. N'a ne bouqué ne giste. Et n'a touche, n'a deux idéo. Sourpire de maroué. Na touche dozi ha valo sorpe et venil, c'est pas ce ton-là. Na touche na dozi de yo sorpe et na valo sorpe et venil, na touche. Je sais pas, après, je sais que ça, hein. Yeah. Je ne sais que ça. Alors, quel ton c'est? Non. Maroué, maman avalo, na ne voque de gis, maroué, maman avalo, na ne voque de gis, en a touche, na deux idéo, a zopé, maroël, en a touche, nous y avalo, zopé, vignol. C'est un péché puisque la pomme était défendue, hein? Oui. Hein? Vous voyez? Je ne sais que ça, de ça. En Bretagne, il y a quand même une culture du chant et des choses comme ça. C'est quand même un des coins. C'est avec toi que j'en parlais hier, que tu me disais, ouais, c'est les coins autonomistes ou je sais pas quoi. Quand tu disais, c'est marrant, il y a ça dans le Pays Basque, dans le Massif Central. Ouais, j'ai l'impression que souvent, c'est des endroits où, par la géographie, c'était un peu plus reculé, quoi. Enfin, le fait que ce soit un genre de péninsule ou dans les montagnes, ou dans les endroits où finalement, ça, c'est resté un peu à l'ancienne, quoi, peut-être. Mais bon, je pense que partout en France, il y a une tradition de chant. Et, enfin, voilà. Ah bah, fond, j'ai un vinyle de chant meusien. De collectage de chants meusiens et de vieux qui parlent et tout, tu comprends rien ce qu'ils disent, c'est génial. J'ai un vinyle de musique de cantique breton, ouais, j'en mettrai un bout aussi. Trop cool, faut que tu me le montres. Pour votre plus grand plaisir, bon, faut que je le retrouve, mais je vais essayer de faire ça. Et donc, toi, du collectage, t'en as fait ? Non, j'aime bien aller causer aux petits vieux et à chaque fois, j'ose pas les enregistrer. Et puis, quand je leur demande, j'ai pas. Ouais, Non. j'ai un peu l'impression, c'est con, hein, mais j'ai un peu l'impression que c'est trop tard alors que c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard, mais du coup, je me dis qu'il y a tellement de gens qui ont collecté déjà des trucs que ce que je fais, c'est que je vais fouiller dans les enregistrements des autres, quoi. J'aime bien diguer des petites archives comme ça, en mettant des mots-clés un peu improbables. Enfin, je sais pas, j'ai des manières de rechercher complètement aléatoires qui fait que je tombe des fois sur des enregistrements qui n'ont pas trop été écoutés parce qu'ils ont été mal archivés ou des trucs comme ça. Et ça, j'aime bien. Bah, sur Dastum Media, ils font tout. Il y a aussi Kahn, K-A-N, ça veut dire chant, où il y a plein de trucs. Enfin, il y a des sites. Il y a ça aussi pour les chants gaéliques irlandais aussi. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit Tobarondualak. Bon, c'est très dur à écrire. Mais je pense que... Et puis, il y a ça aussi pour les chants traditionnels partout ailleurs en France. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, dans le Massif Central, j'ai une pote, ouais. Là, Virgilia, qui bosse aussi dans une asso comme ça. Tiens, tu pourrais nous faire une sélection un jour, une petite compile, faire une émission de... Ouais. La cassette que t'as... On avait fait une petite cassette pour Lududu. Pour Lududu au début. Quand on a fait à 20 exemplaires. Et du coup, il y a eu une face où c'était des enregistrements à nous. Et l'autre face, c'est une compile, justement. Bah là, j'avais fait une sélection, mais c'était un peu une sélection... en fait, c'était un peu les foirages de Dastum. Enfin, c'était j'avais pris des chants où il y avait des bugs d'enregistrement souvent, ou alors un son un peu pourri, ou des trucs enfin bref, c'est un peu c'est un peu le best of bad de Dastum sur cette cassette. Mais en tout cas, je serais contente de faire une compile du meilleur de Dastum. Mais c'est immense, quoi. C'est un puits sans fond. Je pense que je passerai des années à faire cette compile. J'aurais envie de tomber. Pau cher hiverne, na marie, rau pau cher hiverne, na marie, choe, olole, olole, na mejane, choe, olole, na mejane, choe, olole, rau pau cher hiverne, na marie, pau pau cher hiverne, na marie choe, olole. Bah, on l'écoutera, ouais. À la radio, du coup. Très bien. Mm-hmm. Elle dure 90 minutes. Nickel. Et une émission de fête, parfait. D'accord. Et ouais. Et tu as aussi ce projet donc avec lequel tu vas venir sûrement aussi, entre. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu Entre ANTRES, c'est Pauline Weidman que j'ai rencontré en 2020, avec Marianne Moula et Antonin. Ils ont voulu rassembler 12 chanteurs pour qu'on fasse de l'impro comme ça ensemble et qu'on se forme avec des formateurs. En fait, c'était une manière de... Du coup, on a demandé à pas mal de gens super de nous former. Et on faisait des impros pendant une semaine par mois. Et on vivait ensemble et c'était super. Et du coup, Pauline a demandé à quatre d'entre nous de venir faire une forme avec elle, de manière à la montrer, quoi, sur scène, quoi. Et du coup, au début, c'était du chant seulement, impro. Et on est parti vachement dans la parole. Donc, c'est aussi beaucoup de paroles. Et au final, on danse aussi. Donc, c'est corps, voix, chant. Et donc, ça fait Là, on a bossé pendant un an pour fixer un truc. Donc, c'était beaucoup de l'impro. Et maintenant, c'est une grille dans laquelle on improvise. Et on a fixé ça et on a fait la première à Nantes la semaine dernière, au Festival Trajectoire, qui est un festival de danse contemporaine. Donc c'était un peu stressant pour moi d'ouvrir un festival de danse contemporaine nantais comme ça, alors que je ne suis pas du tout danseuse, mais c'était cool. Une grille d'accord, une grille de principe. Non, on a un autre langage à nous et on... Ouais. On sait que, par exemple, à ce moment-là, du coup, maintenant, dans les antres, il y a Pauline Weidman, Maxime Canelli, Solène Karoff et moi-même, Anna Duval-Guinec. On sait qu'à ce moment-là, ça va être Maxime qui va faire son solo et à ce moment-là, que moi, je vais me mettre à danser, par exemple. Mais en fait, on ne sait pas quelle danse, on ne sait pas quelle parole. On sait qu'à ce moment-là, on va parler tous les quatre en même temps. Enfin, voilà. Et en fait, c'est... On a juste un petit schéma comme ça. Alors oui, tu parles souvent de chant contre chant, c'est ça? Il y a un terme... Chant contre chant, yes. Il y a un terme breton, je te laisse dire. Canadiscan. Ouais. Tu pratiques ça avec ta sœur? Ma cousine, Isabelle Quéré. Et ça correspond à quoi, du coup? Eh bien, en fait, dans le chant... Oh, il faut que j'enregistre le chat, excuse-moi. Pardon. Dans le chant trad breton, il y a plusieurs formes de chant. Il y a le canadiscan qui est fait, donc chant et contre-chant qui est fait pour danser. Après, tu as les guerziou, c'est les complaintes qui sont faites pour raconter des histoires longues et trash au coin du feu. Et après, tu as les sonyou, c'est fait plutôt pour ambiancer. Et puis, tu as les canticou, c'est les chants religieux. Et du coup, le canadiscan est resté... bien vivant, il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs de canadiscan parce que c'est pour ambiancer les festounos, quoi, là où on danse. Et du coup, comme il y a beaucoup de gens qui viennent danser et que c'est encore bien vivant, les festounos, et ben, le canadiscan est toujours bien vivant. Wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake a wake la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Du coup, avec ma cousine, on fait ça. C'est en fait une manière de où on se tuile, mais le chanteur 1 et le chanteur 2 chantent exactement la même chose et on se tuile comme ça. Et c'est juste pour pouvoir respirer et continuer et qu'il y ait tout le temps du chant pour les danseurs. Et du coup. Là, on fait ça de manière hyper basique avec ma cousine, dans un duo qui s'appelle les Kenneth-Hervé Quenoc de la Goutte de Luxe. Et, et du coup, avec, mais moi, toute seule, je chantais plutôt des guerziou, donc des complaintes. Parce que juste quand t'es seule, tu chantes des complaintes. Et du coup, avec, quand Yvan est arrivé dans l'Ududu, je me disais, bon, les guerziou, c'est bien, mais c'est un peu triste. On va ramener des sons new, quoi, donc des chants un peu à ambiancer. Du coup, c'est l'occasion aussi de faire écouter des chants qui sont moins entendus que les chants de Kanadiskand, qui sont déjà. Enfin, quand on pense à la Bretagne, aux chants, on pense au tralalalaleno, et c'est les chants à danser. Et on entend moins des guerziou, on entend encore moins des sons new, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus utilisés dans la vie de tous les jours, comme ils étaient avant, quoi. Et pour entendre des canticous, il faut aller à la messe. Ça, c'est encore un autre style. Voilà. Parle dans le micro. Je l'ai pas. Miaou. Allô ? Ah, bah attends, j'ai rien. C'est plus simple. Allô ? Ça simplifie. Et pourquoi j'ai plus rien ? De faire des tartines. Du coup, à Lududu. Causons Lududu. Causons Lududu. Lududu, ça veut dire les cendres noires en breton. Darkos. Les cendres noires. On fait du dark metal, en fait. Ça a l'air marrant comme ça, Lududu. Des fois, les gens ils regardent une programmation et ils sont là. C'est mignon. Ah, je sais pas, j'ai regardé la programmation, j'ai vu Lududu, ça a l'air trop rigolo. Et souvent, ils l'écrivent de manière très drôle. Genre, enfin bref. Lududu. Il y a eu plein d'écritures marrantes. Alors que c'est plutôt un projet dark, quoi. Ouais, ouais. Dark ambiante wave. Ouais. Breton wave. Hein. Breton wave, ouais. Et du coup, Lududu, donc, bah, voilà, c'est vous deux. Et vous travaillez comment ? Ça part de chants. Donc, c'est des chants qui viennent du collectage ? Ouais. Ouais. Que vous choisissez en fouillant sur les internets. Quoi. Ouais, ou de ma mémoire. Ou de ma mémoire, enfin, de chants que je connaissais quand j'étais petite aussi, quoi. Et quelques petites compositions d'Anna aussi. Il y a des micro-compos qui se glissent dedans, mais ça ne faut pas le dire. Et ça, on le dit pas, surtout pas à la radio. Promis. Et du coup, ouais, donc toi, généralement, c'est toi qui arrives avec des chansons. Ouais. En gros. Et traditionnellement, le chant breton ne s'accompagne pas d'un instrument. Du coup, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire là pour le rajouter. Oui, c'est ça, parce que je ne sais pas encore jouer de bombarde, ni de biniou. Dieu merci. Bah, on merci. A un morceau avec un biniou, mais c'est le biniou de mon père, mais il est cassé, du coup on l'utilise un peu de manière improbable. Ça ressemble un peu à un veau mort en train d'agoniser. Mais peut-être qu'un jour je ferai plus de la cornemuse, c'est beaucoup. Ouais. Puis on va faire réviser le biniou, et puis après tu sauras en jouer comme un virtuose. Voilà. Et du coup, on t'entendra plus chanter. Ouais. Bah, je spoil un peu, mais la chanson, l'avant-dernière chanson que vous avez fait hier et avant-hier d'ailleurs, avec le petit piano, le petit synthé. Oui. Pocket piano. Piano là. Ça reprend un peu ça quand même. Ça reprend une. Oui, c'est les bourdons quoi. Ouais. Ouais. Sauf que simplement, t'as le LFO qui te permet de faire du bi bi bi bi bi. De faire du bado, ouais. Mais Lududu, ça a commencé. Ah non, c'était. Non, je confonds pas. C'était pour dire juste que quand Anna faisait des chants toute seule, elle s'accompagnait d'un bourdon. Ouais. Une petite vielle. Que Nicolas Rossignol avait fabriqué. C'est toi qui avait fabriqué ça et que c'était une genre de petite vielle. Une boîte à bourdon. Une boîte à bourdon, quoi. Ouais. Bon, après, c'est un peu classique, je dois dire. Le chanteur accompagné d'un bourdon, même si en Bretagne, il n'y a pas cette tradition de la vielle ou du bourdon. Enfin, il y en a un peu en Haute-Bretagne, mais ce n'est pas un truc habituel, quoi. Mais bon, dans tous les chants trad, il y a souvent du bourdon, quoi. C'est... Ouais. Ça va, les gens le prennent pas mal quand vous arrivez et que vous faites non. Du chant breton? Non, on a été programmés dans un... chez vraiment les ayatollahs du trad, quoi. Donc moi, je flippais un peu, il n'y avait que des... C'était toute une journée où il n'y avait que des chanteurs ultra-puristes qui chantaient a cappella, comme ça, dans une église. Dans une église, au milieu du Finistère. Ouais, et pour la fête du beurre, en plus. Enfin, c'était vraiment le flip total. Le pardon du beurre, ouais, c'était vraiment le flip. Et j'avais un peu peur qu'ils le prennent mal, et en fait, les gens disaient « Ah oui ». En fait, la seule remarque qu'on m'a fait, c'est « Ah, pour le gousperoir en net, prends ta respiration entre le vers 4 et 3. » Et du coup, j'étais « Ah bon, bah ok, on sait que c'est un public de trad 2. » Et ouais. Et les gens ont trop bien pris nos petites fantaisies, quoi. Oui, parce qu'il y avait vraiment des... dont un personnage qui s'appelle comment, le vieux qui a une gueule incroyable et qui fixe les gens, là, quand on jouait. Et il était au premier rang à nous regarder dans les yeux, là. Qui est vraiment quelqu'un qui peut faire flipper, comme ça. Et qui nous a souhaité. Ouais, maintenant, ils se causent dans les fesses-noses et tout. Ils sont on a contents. Cassé la croûte. Ouais, les gens sont contents. Ça a été bien pris. Et puis, c'est pas du tout pareil de jouer devant un public de gens qui connaissent vraiment toutes les paroles, parce que du coup, ils voient aussi que je transforme les paroles. Souvent, quand il y a une chanson trop sexiste ou. Enfin voilà, je fais un peu de la réparation de trucs. Et du coup, ils se rendent compte vraiment des changements qu'on fait. Après, c'est super aussi de chanter devant un public comme ici, de gens qui ne comprennent pas le breton aussi. Enfin, c'est intéressant pour d'autres raisons aussi. Ouais, à fond, ça marche super bien. Bah, ici, il y a une petite tradition trad, mais pas tant, quoi. C'est vraiment, je pense que les trads du coin vont se... bah non, je pense que c'est dommage en soi. Hein. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais ils sont assez isolés, quoi. C'est-à-dire ils sont planqués sous les cailloux. Un peu plus planqués, quoi. Non pas qu'en Bretagne. Ouais, en Bretagne ils sont. Ça joue sont dans les grands planqués. Festivals non plus. Il y a quand même. Il y a des grands. Il y a des grands festivals de trad, il y a des grands concours, il y a des vraiment. C'est quand même bien vivant en Bretagne. Ouais. Mais on est des petits aliens quand même dans le milieu du trad breton. Mais du coup, on commence aussi à jouer. Enfin, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai recommencé à faire du trad breton pour un public de noiseux, en fait, à la base. Et qui disait, ça fait du bien, en fait, d'entendre une voix. Enfin, d'entendre des notes. Et... ouais, c'était assez drôle dans le festival, comme aux 24 heures de la musique, ouais. Où on a chanté à 9 heures du mat. Et après 12 heures, c'était au milieu du festival, du coup, après 12 heures de concert. De grosses noise et de grosses machines. Et en fait, toutes les machines se sont arrêtées et il y avait un public mélangé entre ceux qui se réveillaient et ceux qui n'avaient pas dormi. Et... ceux qui avaient pris de la kéta. C'est ça, et ceux qui étaient au café, quoi. Et Yvan n'avait pas dormi et moi, je me réveillais aussi, donc on faisait un beau mélange. Et ouais, c'était trop beau de chanter ça au milieu de... A cappella, parce qu'on est, toujours aussi non amplifié. Ça, c'est un truc auquel on tient. Et des fois, il y a des endroits où c'est pas simple, quoi. Mais c'est bien. toi, Yvan, tu parles pas breton. Et t'as découvert ou t'as redécouvert cette musique-là avec Anna? J'ai redécouvert parce que mes parents m'ont pas du tout... fait découvrir cette musique. Enfin, ils ont un CD d'Éric Marchand quand même. Et ouais, les seuls trucs qu'on écoutait, c'était Éric Marchand qui est un peu une star, du chant breton. Et en fait, qui lui faisait de la fusion, quoi. Et du coup, mes parents, ils aimaient bien la fusion. Et du coup, c'était. Mais il fait de la fusion bien faite, quoi. Il fait de la fusion super bien faite où il allait. Il est parti dans les Balkans et il fait des trucs assez incroyables où c'est là que tu te dis, c'est assez drôle. l'humanité quand même, parce qu'à 10 000 bornes de la Bretagne, il arrive à faire des ponts assez incroyables où il fait du coup du Canadiscount par exemple, pour des chants, et où ça répond avec les orchestres des Balkans, quoi. Et en fait, t'es là. C'est trop beau. C'est super beau parce qu'il y a quasiment pas de. Tu sens qu'il a pas beaucoup transformé. Enfin, chacun reste campé sur sa couleur, quoi. Et en fait, ça fusionne ultra bien. Et c'est pas kitsch. Enfin, j'ai réécouté des trucs, parce que bon, j'étais gamin quand j'écoutais ça, mais quand j'ai réécouté des trucs, je trouve que ça sonne toujours aussi bien. Dre westane nasel con si babe non ti ma dreste parke ier valgon gel vener vestre sta la la penne d'arme mignones ti vino ti ege per svelado per l'estom non vende vest la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Scaven di leset, warge verdi den. Mestret ma mödres un gol, zoner en polka. De soufredo Lucifer, di stagen mazurka. Dom son e wawel ne ren, de had in no zon. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la tous botauen na ruver Uruse me speret Den os heder vinagen Gaben sur merien La la la la Pige pebe den zuben A kempe neder sten Du ve on din ave son Ne vera du nagen La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la C'est la seule approche de musique bretonne que j'avais. Et après, j'avais des souvenirs de Fesnoz, mais après, musicalement, ça ne me touchait pas du tout. Et c'est Anna qui m'a fait découvrir des trucs, quoi. Genre les Guerzio, je ne connaissais pas. Où là, c'était vraiment que du chant, que le chant pur, du genre Yann Fanch-Kemener, qui m'a fait découvrir, qui chante... A cappella sans rien aussi, et j'ai commencé à apprécier ça. Et tous les petites chansonnettes qu'on fait aussi, et les collectages, du coup, c'est ça aussi qui m'a beaucoup touché. Entendre les vieux chanter. Et voilà, et mon oreille, elle se fait aussi maintenant. J'arrive à. Au début, je croyais que tout se ressemblait, forcément. Je n'arrivais pas à capter comment elle peut faire 10 chansons différentes et se rappeler des mélodies. Et en fait, l'oreille se forme finalement. Et, ouais, et puis le breton arrive. Et le breton arrive ouais. À petits pas. Tom à Tom. Tom à Tom, Bragou Bagand. Ouais, bon, il y a encore du boulot. Non, c'est ça, c'est la première expression que je suis censé apprendre. C'est il la connaît toujours pas. Petit à petit, le petit Jean rapièce son pantalon. C'est ouais. Ça veut dire petit à petit l'oiseau fait son nid, quoi, en breton. Et les instruments, du coup, parce que j'ai envie quand même d'y voir vaguement des trucs. Qui pourrait se rapprocher de trucs bretons. Je sais pas, la flûte, est-ce que c'est... non, pas du tout. Comment... C'est de la canne de Provence. Alors... Ah, ouais, mais il n'y a pas du tout ça, comme par exemple, irlandaise ou des choses comme ça. Non, pas trop, non. Non, non. Et ton petit orgue aussi qui est... L'orgue à bouche. Ton orgue était sorte de flûte, là, un peu... C'est marrant parce qu'on dirait c'est un peu le free jazz et les cornes de brume du bateau un peu. Bah oui, ça c'est ouais, non, c'est des flûtes d'orgue en bois là, des flûtes carrées là qu'il y a dans les orgues d'église et tout ça. Non, je sais pas, ça c'est un prototype qu'on a fait avec Gaël de Bonne Humeur Provisoire là, qui est luthier, on peut dire maintenant, parce qu'il fabrique super bien les instruments. Et non. C'était pendant le confinement, quoi. Pendant le confinement, on fait des choses. Pendant le confinement, on s'occupe. Et ben non, il n'y a pas trop ça non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas. Ben, genre, par exemple, hier, il y avait une question, c'était ah, mais ouais, t'as des sifflets, des trucs, mais il y a des sifflets en. Des gens qui utilisent des sifflets en Bretagne dans la musique bretonne. Et puis j'étais là. Ben non, je crois que tout le monde fabrique des sifflets partout. Partout dans le monde, je dirais, mais après, dans la musique trad, pas tant que ça, quoi. Mais... Et les percussions, parce qu'il y a pas mal de percussions. Les percussions, c'est les pieds des danseurs, quoi. Ah bah oui. Ouais. Ou alors dans les bagades, c'est... Ouais, il y a dans les bagades où c'est encore autre chose. Il y a quand même des caisses, des grosses caisses gigantesques. Un système de... Comme un système de rototom un peu. Les bagadous, c'est les pipe bands bretons, quoi, ouais. En gros. C'est plutôt des trucs militaires. Mais à la ouais, base. C'est bien militaire. C'est... Ouais. Ouais. Mais ouais, après, ça prend au trip. Hein, quand... C'est un autre délire, c'est une autre ambiance, les bagadous. Mais c'est vrai que quand t'es à côté d'un bagad qui joue, moi, je chiale. Hein. Après, j'ai la larme facile, mais ça te. Enfin, tous ces cœurs de muscle-là, ça fait vibrer les entrailles. Ouais. Voilà. On peut parler de ma passion, le mimologisme. Ah oui. le mimologisme, c'est quand tu fais des onomatopées. Enfin, en fait, tu fais parler des trucs, des animaux ou des objets, et que tu leur donnes des paroles, quoi. Et y en a partout dans le monde. Mais en Bretagne, c'est resté un truc, je pense, assez courant, en tout cas, de faire parler les oiseaux. Et tu ne te rappellerais pas celui du chien et du cochon Si. Armée sautant de narguère. Ça, c'est le coq qui dit « Le maître rentre à la maison. » Et le chien, il fait « Méo, méo !» Ah non c'est le chat qui fait « Méo, méo !» Et ça veut dire « bourré, bourré !» Et le chien, il fait « Atao, atao, atao !» Et ça veut dire « toujours, toujours, toujours. ». C'est toujours un peu moqueur, un peu marrant. Ouais. Ça, c'est le Trégor hein, qui est toujours moqueur. Ah oui, tu parlais de Trégor. Après, il y a les départements en Bretagne qui sont un truc administratif, mais on ne fonctionne pas du tout. On fonctionne encore par pays, quoi. Et dans le Finistère, par exemple, il y a le Léon. Dans le Léon, tu as le sous-pays du Pays Pagande, là d'où je viens. Et après, dans le sud, tu as la Cornouaille. Et dans la Cornouaille, il y a le Pays Bigoudin, par exemple. Enfin, et tu as les gros pays, donc c'est les évêchés. Et après, les sous-pays. Et en fait, dans chaque pays, tu as des Bretons différents. Et tu as des populations... Enfin, des populations différentes, avec des métiers différents, des styles différents. Et tu as des humours différents. Et le Trégorois, du coup, qui est... dans les Côtes du Nord, comment dire, Côtes du Nord, dans les Côtes d'Armor. Et ben, c'est un peu les Rigolus de la Bretagne, quoi. Et les Léonards, qui c'est un peu les cathos, voilà. Et en fait, on dit que il y a un dicton, par exemple, qui dit que dans le un enterrement dans le Trégor est plus joyeux qu'un mariage dans le Léon. Et c'est vrai, je viens du Léon. voilà. Et du coup, bah, les Trégorois, ils sont toujours un peu moqueurs. Et du coup, on a beaucoup de chansons du Trégor dans l'Ududu. Parce que moi, j'adore en fait le style trégorois, quoi. Et là, on est allé passer le nouvel an dans le Trégor. voilà, on va faire la fête dans le Trégor parce que les Trégorois sont vraiment cool. Et du mimologisme d'objets. Ouais, et ben moi j'en connais pas, mais c'est la mère d'Yvan, elle fait l'ambulance. genre, je suis plus. Tu vas crever, tu ouais, vas crever, c'est ça. tu vas crever. Enfin, ou tu peux faire la cafetière, tu peux faire chouchou le train. Enfin, après moi je les connais pas, mais ça existe du mimologisme d'objets, ouais aussi. Voilà. mais du coup, moi je fais du mimologisme d'oiseaux, et c'est un bouquin de collectage que j'ai à la maison d'un ethnologue breton, Daniel Giraudon, qui bosse encore et qui a fait plein de bouquins de collectage sur plein de thèmes. Et il en a un juste sur les mimologismes d'oiseaux. Et du coup, je les ai interprétés à partir des écrits quoi, que j'ai trouvés. Voilà. Trop bien. Est-ce qu'on a tout abordé? Pas mal de trucs déjà, je crois. Ouais. Bah, on va mettre de la jolie musique. Pendant l'interview et après. Cool. Une petite sélecta. Et puis, faut voir, en fait. Bah oui. c'est vachement ouvert. Moi en bon parisien, j'étais complètement... Enfin, je sais pas, le trad, c'était... Enfin, ça n'existait pas pour moi, quoi. Je ne connaissais pas du tout. En plus, je suis d'une famille, c'est une musique classique et tout. Et quand je suis tombé dedans, c'était... C'est incroyable. C'est hyper accueillant. C'est assez intergénérationnel. Et puis, il y a... Alors, peut-être dans la nouvelle génération, mais t'as des nanas qui t'invitent à danser, tu danses avec des vieux, des vieilles, ouais. Et des enfants qui courent partout, c'est hyper familial. Et puis il n'y a pas de notes, enfin, il y a un truc aussi que... Ah oui, alors vous disiez ça, vous disiez la musique bretonne est toujours fausse. Non, elle n'est pas toujours fausse, j'ai dit il n'y a pas de fausses notes en musique bretonne. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut... Oui, c'est moins ethnocentré. Ouais, ouais. C'est en fait, par exemple, dans le Gonna Discorn, le rythme, parce qu'il faut faire danser, est hyper important, mais tu peux chanter hyper faux, en fait, pour l'oreille d'un classiqueux, mais en fait, ce sera pas faux pour un breton. Enfin, il n'y a pas de fausses notes, quoi. Et ça fait des harmonies qui sont assez intéressantes, et nous, on joue aussi là-dedans dans l'ududu, parce que sus à la monotonie tonale. D'ailleurs, quand tu cherches ta note sur le petit piano, quand tu cherches ta note, tu la regardes pour voir si ça lui va comme base, non? C'est un truc comme ça? Ouais. Si elle augmente la bonne. Si elle la retrouve aussi, parce que des fois, elle me... Enfin, c'est arrivé des fois où le morceau, je fais de la petite flûte et des huîtres. Y a eu un moment où elle avait plus la tonalité de la flûte, qui est pareil, c'est une flûte que j'ai fabriquée où j'ai fait les trous dans la flûte de manière aléatoire, du coup je savais pas que ça allait donner. Et du coup, par exemple, bah là elle utilise la sonorité de la flûte pour être juste à peu près, quoi. Parce qu'il y a une fois où, par exemple, pour le coup, c'était vraiment décalé, quoi. Ouais. Bon, on aime bien les trucs étranges, mais des fois... Des fois, vraiment, là, c'était... c'était un peu trop cosmique, quoi. Ouais. On aime bien les trucs cosmiques, mais là, c'était vraiment dur à suivre. Ouais, c'est vrai. Mais on n'est pas dérangé, en tout cas, par les trucs qui sonnent bizarres, quoi. Faut pas être choqué, en tout cas. Enfin, Du coup, c'est ça, quand je cherche, je regarde si elle arrive à se retrouver, parce que c'est quand même elle qui tient tout le champ. Ouais, c'est plutôt par rapport à la tessiture, enfin en tout cas... Pour qu'elle soit à l'aise, quoi. Ouais, il faut que le chanteur soit à l'aise, et en fait... Mais c'est pour ça que dans un Canada Discount, enfin souvent dans les collectages, on voit les vieux, ils vont de plus en plus aigus, ou alors ils changent complètement de tonalité au milieu d'un morceau. Et enfin moi je trouve ça très beau, parce qu'en fait tu t'adaptes surtout à ton confort, et tu t'en fous de l'oreille finalement des autres, quoi. C'est ça, tu chantes pour ton plaisir, quoi. Voilà. Mélanie, est-ce que t'as une question à leur poser? Brûle pour point comme ça. bah, Bah non, moi c'était plus sur l'aspect ce qu'on a dit en aparté juste avant, sur le comment tu en fait composes sur de l'existant comme ça. Trad, en fait, j'avais une question sur le morceau qu'ils ont joué hier où ils rajoutent des syllabes au fur et à mesure. Ouais, et le scieur de le morceau en français, voilà. Ouais. Et je le trouvais super et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une composition plus personnelle, en fait, parce que je sais pas, j'arrivais pas à imaginer que ce soit vraiment ça le squelette du morceau, et du coup, je trouve ça intéressant. Enfin, ça m'a questionné, et du coup, je me demande comment vous travaillez sur ce genre de trucs. C'est vrai qu'on joue toujours un peu sur l'ambiguïté entre qu'est-ce qui est trad et qu'est-ce qui est pas trad, parce qu'il y a quand même toujours une touche personnelle dans l'ududu, et on compose évidemment, et en fait, notre touche personnelle, ça va être des fois juste une mise en scène, quoi, enfin, de comment on se positionne sur scène ou comment on danse un truc, parce que les danses qu'on fait sont pas du tout traditionnelles. C'est tout inventé, et en fait, on rajoute toujours une petite touche personnelle, et en fait, ça, c'était un morceau de Haute-Bretagne, donc un morceau de travail sur les scieurs de long, où du coup il y a des ritournelles. Enfin, les ritournelles, c'est les tralalalala au milieu des chants. Et moi j'adore les ritournelles, souvent elles sont vraiment. Enfin, c'est du langage complètement inventé, et j'adore en fait les ritournelles. Et du coup, là il y avait une ritournelle qui imitait, c'était un peu du mimologisme de scie, quoi, finalement. Ticreux, ticreux. Et du coup, on s'est dit, on va rajouter. Parce qu'en fait, aussi la manière de fonctionner, ce que j'ai pas dit, très bonne question du coup, c'est que quand je suis touchée par une chanson, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des recherches pour trouver toutes les versions existantes de la chanson, savoir d'où elle vient, un peu savoir tout ce que je chante, quoi. Et du coup, je trouve toutes les versions différentes et j'en fais un mix perso de toutes les versions différentes, et du coup là on s'est dit, l'air sur celui-là il est bien, mais la ritournelle elle est mieux sur l'autre, et puis en fait on n'arrivait pas à faire le choix entre les ritournelles, et on s'est dit on va faire une accumulation, parce que ça c'est un truc très courant dans le trad aussi, c'est les chants à accumulation, la branche du nid, le nid qui est dans l'arbre, tout ça, enfin, c'est un classique de l'accumulation, et du coup on s'est dit on va reprendre le principe de l'accumulation en rajoutant des bruits de scie. Tous les bruits de scie. Scie circulaire. Voilà. Du coup, il y a tout le temps un truc personnel quand même. Donc, c'est du trad qui est exécuté de manière traditionnelle, je veux dire, dans la technique vocale. Parce qu'il y a un placement vocal qui est trad aussi, qui n'est pas du tout le même que le chant lyrique ou que le chant pop. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça fait partie des sonorités du trad, quoi. C'est le placement vocal. Tu décrirais comment le. Et le placement vocal. Les mots. La différence entre le lyrique, le trad et le R&B. C'est dur comme ça au matin avec du pâté dans la bouche, mais le lyrique résonne vachement à l'arrière, en mode. Bon, voilà, le lyrique du pâté du matin. C'est très pinot. Et le trad est vachement à l'avant. Donc il y en a qui disent dans le nez. Mais c'est pas dans le nez, c'est dans les sinus d'en haut et c'est de devant la bouche. Et c'est. Ça, on appelle ça le twang. Par exemple, c'est pour se faire entendre de loin dans les chants, mais sans faire des efforts trop. Ça ressemble un peu à une cornemuse, c'est le twang. Et le R&B, c'est du belting. Et ça veut dire que c'est après, t'as la voix de tête qui fait. Là, t'as la voix légère qu'on n'utilise jamais dans le trad. Et puis t'as la voix R&B. C'est plus dans les sinus à l'arrière. Et c'est du belting, c'est-à-dire que ça vient du. Ton impulsion vient du ventre, mais après, comme tout le temps. Moi, quand je chante, je pense à mes pieds, en fait, tout le temps. Ça, je me dis que le chant vient de en dessous les pieds, même, quoi, de la terre. C'est un truc. Et ça t'aide à envoyer de l'énergie dans ton chant sans te niquer la gorge. Voilà, mais ça marche pas tous les jours parce que des fois t'es énervé quand tu chantes et du coup tu serres et tu fais. Et trop d'émotions et après tu te niques la voix, quoi. Voilà, c'était l'instant technique vocale. Nickel. Bah, merci beaucoup. Babou. Grand merci, plaisir. Babou. On va passer à Mélanie Loisel. Attends, je suis inquiète. Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce ne sera pas la même émission parce que là, on est déjà à 56 minutes de. Devriez l'agresser davantage. Oh, c'est trop fort. Et puis je vous dirai que votre piston est usé. Il ne vaut plus rien. Alors, vous comprenez? Ce matin, nous lui avons introduit un piston plus gros que le vôtre. Nous avons été... 1, 2, 3, 4, 5, 6... bonsoir. J'allais voir ma maîtresse. Mio corrigio, Marianna, mio corrigio. Pagrò con tana collo, i mulli na volto. I mulli na volto, Marianna, i mulli na volto. O lo scalei ganime, mio corrigio. Se dit tri. Mais comme pour le 2, il y a aussi un 3 pour le féminin, on dira terre. Donc pour trois parties, vous aurez compris, on dira terre l'Oden. Comment vivent ces trois classes de paysans? Premier exemple, la ferme de monsieur Noël Étienne, qui est moyenne, un peu moins de 20 hectares. Pensez-vous, monsieur Étienne, que les gens des villes croient vraiment aux difficultés des paysans? Moi, je n'y pense pas, mais pourtant elles sont réelles. J'ai l'impression que dans les villes, on pense assez souvent que les paysans gagnent finalement pas mal d'argent. Oui, peut-être, mais c'est une erreur. Une erreur profonde, parce que sont loin de gagner de l'argent, les paysans. J'ai l'impression que, d'après tout ce que vous m'avez dit, que vous ne pouvez vous en tirer que parce que vous avez une vie très, très austère. Oui, certainement. Vous avez très peu de loisirs. On n'en a pas. On peut d'ailleurs pas en prendre, parce que... Faute de temps. Faute de temps, et puis et les paysans ne sont pas justement assez... voilà, n'ont certainement pas assez d'argent justement pour pouvoir prendre des loisirs. Vous êtes à combien de kilomètres de la mer ici? Nous sommes à 25 à 30 kilomètres. Vous y allez quelquefois? Bon, jamais. Vous allez au cinéma quelquefois? Non plus. Vous êtes allé à Paris? Je n'y suis jamais allé, j'y suis passé, mais jamais je n'étais à Paris. Pour aucune affaire. Vous ne sortez d'ici que lorsque vous avez une affaire précise à faire, jamais pour votre plaisir? Jamais, c'est toujours soit pour l'affaire de commerce ou alors parfois quelques mariages ou enterrements. Pour vous distraire, vous ne dépensez rien? Jamais. Vous achèterez la télévision un de ces jours? Je ne pense pas, pas tout de suite toujours. Ou il faudrait que les temps soient meilleurs pour pouvoir se payer la télévision. Vous ferez mettre l'eau courante avant d'acheter la télévision? Oh, certainement, oui. C'est beaucoup plus nécessaire. C'est surtout votre fille que ça doit priver. Ah oui, certainement. Elle est obligée de laver au lavoir. Oui. Ça n'est pas trop dur, madame, de laver dehors, comme ça, par ce temps? Non, pas trop. Vous n'avez pas très envie d'avoir l'eau courante, non? Oh, si, certainement. À côté de vos obligations de mère de famille, quel travail faites-vous à la ferme? J'aide soigner les bêtes. Et puis? Et le lavage, alors? Racontez-moi une journée de travail, n'importe laquelle. Le matin, je traie les vaches. Après, je soigne les cochons et les hommes soignent les vaches. Alors ensuite, je fais le ménage, la cuisine, jusqu'à midi. Alors l'après-midi, je lave un petit peu. C'est-à-dire que j'ai une laveuse aussi tous les trois semaines. Alors je lave un petit peu l'après-midi. Et puis je prépare pour les bêtes le soir. Alors quand les hommes, je soigne les cochons, puis quand les hommes rentrent du champ, ils soignent les vaches encore. Moi, je prépare le dîner pour le soir. Vous levez à quelle heure et vous vous couchez à quelle heure? On se lève à 7 heures le matin et on se couche à, je dirais, 10 heures. Pensez-vous que ce soit là un travail très dur ou trop dur pour une femme? Oh, c'est assez dur parce que ça n'arrête jamais. Les vacances ne vous manquent pas? Non, on n'en cherche pas de vacances. Les sorties, les loisirs, le cinéma, tout ça? Non, pas tellement. On ne tient pas tellement à ça. Si on avait ça seulement plus de commodité pour le travail, on ne chercherait pas mieux, je ne crois pas. Je viens de voir votre mari et votre père. Tu sais donc que vous êtes mariés depuis 2 ans, n'est-ce pas? Avant de vous marier, lorsque vous étiez jeune fille, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous aviez envie de rester à la ferme ou bien d'aller travailler en ville? Ah, je n'ai jamais cherché à partir. Vous n'avez jamais cherché à partir? Non. Avant de quitter les Étienne, j'ai posé une question au mari. Il y a eu une grande manifestation de paysans du Morbihan au mois de décembre, n'est-ce pas, il y a un mois à peine. C'était une manifestation calme. Oui, très calme. Vous n'avez pas barré les routes? Non, On ne peut pas, on n'a pas le matériel pour le barrer. Pas de voiture ni de tracteur. 14 février 1974, Roque Trédudon, 1h10, deux explosions. Les 220 mètres du pylône de l'émetteur de télévision s'écrasent sur les bâtiments abritant les installations de l'ORTF et des PTT. L'attentat est signé FLB-ARB. Il a suffi de deux pains de plastique placés par des professionnels pour que plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs de l'Ouest soient complètement privés d'images et de sons. C'est une profonde désolation, tant pour tout le personnel de l'ORTF que pour le personnel de Roque Trédudon en particulier. Cette désolation, évidemment, est le fait de priver aussi les téléspectateurs de leur programme. Dès lors, les équipes de techniciens de l'ORTF, les équipes du secteur privé, vont travailler d'arrache-pied pour rétablir dans les meilleurs délais le fonctionnement des émetteurs, car la population du Finistère, d'une partie des Côtes du Nord et du Morbihan est quelque peu décontenancée par les conséquences de l'attentat. Ça nous manque beaucoup. On se distrait ici. Oui, faisant du vélo. Quelquefois, nous allons au cinéma ou à la piscine. On lit, celles qui peuvent lire, on écrit, on fait du tricot, on a joué aux petits chevaux. Mais enfin, ça ne remplace pas la télévision. Et comment on s'amusait à l'époque? Ah, de ce temps-là, eh bien, je disais un jour, il n'y a pas tellement longtemps, je disais à mes camarades, mais tu vois, maintenant, on ne chante plus à la campagne. Puisque c'est le tracteur qui a remplacé les chevaux. Et c'était avec les chevaux qu'on chantait. Le matin, en allant chercher le trèfle, et de bonne heure, dès le lever du jour, bien sûr, on allait chercher. Et puis tout le monde chantait. Dans les champs, avec les charrues, suivant les chevaux, tout le monde chantait. Le soir, c'était l'éveillé. On se rassemblait chez les voisins, tantôt chez l'un et tantôt chez l'autre. On se rassemblait le soir, et puis la flambée dans la cheminée, alors comme on fait tous les soirs ici encore même. Tous les soirs, on fait du feu dans le foyer. Et qu'est-ce qui se passait dans la veillée? Oh ben, mais on se racontait des histoires. Si on ne dansait pas une gavotte, si on ne chantait pas une gavotte, quand il y avait on appelait ça les festonnances de ce temps-là. Quand il y avait un mariage ou une fête quelconque. Après les journées de travail également, les fortes journées de travail, par exemple, la fenaison, la moisson, les arrachages de pommes de terre, eh ben, on rassemblait tous les voisins des autres villages aussi même. Et puis c'était la gavotte, toujours. Et rien que la gavotte. Principalement la gavotte. Et tout le monde savait chanter de ce temps-là. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de choses comme ça. Ça fait qu'on était obligé de chercher une distraction. Parce qu'on allait veiller. Et vous avez été heureuse dans votre vie? Très heureuse. On a chanté. Ah oui. On a chanté. Ça. Ah, et on le fait toujours. Et on le fait toujours. Jovic pian fiore, jovic peta faldite. Et la moine des grandités. A peta grandi medite. Rendez arenta rend. Petra oui et oui brément. Un deu de mon pari va résor ben a choari. Rendez arenta rend. Petra glasque et oui brément. Jobic pian fiore, jobic peta feldite. Que la wende gandite. A peta gandi medite. Rendez en elvetran. Petra oui et oui brément. Dao visa rende veli, un deo de mon pari, vareza o ben arroari. Rendez en elvetran. Petra glasque et oui brément. Jobic pian fiore, jobic peta feldite. Ganawen di gornite. A peta gorni medite. Rendez en terre vétran. Petra oui et oui brément. Trimerdi a trimerdi, da vus a rende veli, un deo de mon pari, va reza o ben a roari. Rendez deux en terre vétrante, pétra glasque trui brément. Jobic piante fiolé, jobic peut-être aldité, benamouen des garnités, la pétagan immédité. Heurant deux arts per vétrante, pétra oui être oui brément. Père mardi meuselaire, rôtis plus des autières, trimerdi à trimerdi, d'avis à rendre veli, un déo des Montparis, varézard ben arquari. Deux arts per vétrante, pétra oui être oui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, au ganaouen des garnités, à pétagan immédité. Deux arts per vétrante, pétra oui être oui brément. Pem bior du moelle, ton sœur poitin, valper, mardi meuselaire, rôtis plus zotière, trimerdi à trimerdi, daouis à rende veli, un déo des Montparis, variza au benar foari. Deux arts per vétrante, pétra glace et trui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, benawen des garnités, à pétagan immédité. Deux arts per vétrante, pétra oui être oui brément. Roer pour roer, roer pem bior nu moelle, ton sœur patin, valper, mardi meuselaire, rôtis plus de zautière, trimerdi à trimerdi, d'avis à rende veli, un déo des Montparis, vareza au ben arroari. Deux arts per vétrante, pétra glace qui est oui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, ganaouen des garnités, à pétagan immédité. Deux arts et vétrante, pétra oui être oui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, ganaouen des garnités, à pétagan immédité. Deux arts et vétrante, pétra oui être oui brément. Seize des seize ouar, ouar, breur, ouar, ouar, pem, bior, du, moelle, dans un roitin, valper, mardi, meuselaire, rôtis, put, zautier, trimerdi, à trimerdi, d'avis, sa ronde, veli, un déo, des Montparis, varisa, au ben, arroari. Deux arts, seize, vétrante, pétra, glace, qu'être, oui, brément. Jobic, biante, fiolé, jobic, pétafeldité, au canavane des garnités, à pétagan, immédité. Deux ans, neige vétrante, pétra oui être oui brément. Escar, neve, tanzablou, neve, carré, neve, neveur au cul, essaye, essaye, voir, faire, voir, faire, voir, faire, dior, du moelle, tant de patin, valper, mardi, meuselaire, rôtis, plus de zotière, trimerdi, à trimerdi, d'avis, sa femme de veli, un déo des Montparis, variza, au bonheur, foari. Deux ans, neige vétrante, pétra glace, qu'être oui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, au canaouen des garnités, à pétagan immédité. Deux ans, nao vétrante, pétra oui être oui brément. Nao des bèmes, des vegan numéotor, na trio la quatrio, no matrio draivar à l'heure, qui chien tient notre humeur. Escarné, vétons abloné, vécargala et né, vénage de repu, et 16, des 16, voir frère, pour frère, frère, pem, bior du, moelle, dans un roitin, val, père, mardi, muselaire, dispute zao, tiers, trimerdi, à trimerdi, d'avis à rendre veli, un déo des Montparis, varisa au ben arroari. Deux ans, nao vétrante, pétra glace, qu'être oui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, au ganaouen des garnités, à pétagan immédité. Deux ans des vétrants, pétra oui être oui brément. Dès que des nards mettent en maison, on est obligé au tour, on est obligé de joie d'être un drué, ou tous les deux ans ou de la vie, mais now des bèmes, des vegan animés au tour, na trio la quatrième, la matrio drive à l'heure, qui vient turn out rumeur. Ice carne, vé ton zablouné, vé carcada et né, vé endors de repu, et 16, des 16, war frère, frère, frère, frère, pem, bior du, moelle, ton zarpatin, val, père, mardi, muselaire, rôtis plus de zao, tiers, trimerdi, à trimerdi, d'avis à rendre de veli, un déo des Montparis, variza ou ben arroari. Deux ans, des vedrons. Pétra glace, qu'être oui brément. Jobic piante fiolé, jobic pétafeldité, au ganaouen des garnités, à pétagan immédité. Deux ans, neige vétrante, pétra oui être oui brément. Rue Zagonekpo, Rel Antoun Sorado, Rel Nochel Metoudoubo, Rel de Bourg, Rel Nusugne, Chorre, Hargarbor. Dès que des narmes étant les maisons, on est obligé au tort, est obligé de gloire d'être un druide au joli des ronds de l'abîme, et nord des bêmes, des véganimés au tort, natri ou la quatri ou la matri ou driver à l'heure, qui tient notre mur. Escarné, vétons à blonner, vécagle à nez, vén genre au pu, essaye, essaye, soir, roi, pour roi, roi, pam, biordu, moi, dans un roi, tin, val, ferme, arnie, mes alères, dispute, zav, tiers, trimerdi, à trimerdi, d'avis à rendre veli, des ou des mon pari, varisa, ben arroiri. Jobic piant fiolé, jobic pita feldite, ganamwen di gandite, pita gandi medite. Rande zandars et vedrans, petra oui et oui vraiment. Daz et qui chasse, et ton zarpadaz, et la remesse des esturadaz, et ha se dikitika, c'est bas mes arrivola qui est la ruisa gonekpo, elle entend de sarpado, elle ne rêve tout de bourg, elle ne sougne, charre, hargarbor. Dès que des narmes étant les maisons, on est obligé au tour, et touche de bois, et un druide, jouer les oronaux d'amis, mais nao des bêmes, des véganimés au tort, natri ou la quatrième, la matri au driver à l'heure, qui vient faire notre mur. Escarné, véton zablouné, vécagla aîné, véan dans un repu, essaye, dessas, roi, roi, roi, roi, roi, pam, biordu, moi, dans un patin, val, père, mardi, mes alères, rôti, pizza, au tiers, trimerdi, à trimerdi, d'avis à rendre de veli, un déodé mon pari, varisa, au ben à roi. Vous pourrez retrouver les liens vers les artistes cités et les extraits musicaux entendus sur projetmorse.com.